La communauté internationale apprécie la portée historique de la victoire dans la bataille de Potsambo. Le Comité national nigérien d'études du kimilsonisme-kimjonglisme, le Forum allemand anti-impérialiste, l'Association d'amitié France-Corée et le Cercle d'études des études jutsés Gangé de Colombie ont écrit dans leur page internet et bulletin que l'historique victoire dans la bataille de Potsambo soulève de nos jours encore l'intérêt profond au sein de la communauté internationale, car elle a inspiré la vérité que pour triompher dans la révolution de libération nationale, on doit battre les impérialistes armés avec les armes. Le président de la Société d'études de l'idée littéraire Jutsé de Guinée a indiqué dans son poème « Le phare de l'espérance » que le président Kim Il-sung avait organisé la bataille de Potsambo au moment où la domination coloniale japonaise était en pire état, afin d'inspirer vie et vitalité à l'âme de la nation en agonie. Le journal mexicain Unidad Nacional a écrit que l'intelligence du président Kim Il-sung est manifestée dans la bataille de Potsambo. Dans leur déclaration commune, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous des grands hommes avec Toussaint 2017, le comité suisse-corée et le cercle d'études des études jutsés de Suisse, ainsi que l'association d'études de la politique de Sengun et le cercle d'études des études jutsés de Grande-Bretagne, ont indiqué que la bataille de Potsambo, qui a prédit la fin de la domination coloniale cruelle japonaise envers la Corée et annoncé l'aurore de sa libération, est continuée jusqu'à nos jours par la Corée de Sengun, qui progresse dynamiquement dans la voie anti-impérialiste sous la direction du respecté camarade Kim Jong-un.